Bah bonjour tout le monde. Du coup, on est une classe de la MFR d'Aguilaire, donc une école en Haute-Saône. Et on fait un bac pro, et donc pour étudier sur les cours de communication, ben, on nous a invités dans cette radio pour poser des questions, quoi. Oui, voilà. Eh ben, bonjour. Je vois que vous êtes quatre, j'aimerais bien au moins entendre vos prénoms. Moi, du coup, c'est Antoine. Moi c'est Charlie. Moi c'est Dylan. Moi c'est Delphin. D'accord, bah bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu vous renseigner un petit peu sur les médias. Ouais. Oui, c'est donc, ça. Oui. Donc j'attends vos questions. Du coup, une question assez globale. Quel est le but de cette radio? Le but, bah, c'est une radio libre, donc d'être un peu différent des autres, et des autres commerciales, entre autres. D'accord. Une radio sans réelle contrainte, quoi. Sans contrainte, et on choisit les sujets dont on parle. On ne nous les impose pas, c'est nous qui choisissons. D'accord. Est-ce que, bah, du coup, vous pouvez parler de sujets... assez, on va dire, piquant, des sujets qui sont tabous, tout ça, sans forcément se dire faut faire gaffe à des gens qui nous écoutent, ou pour vraiment parler librement sans aucun souci. Oui, à partir du moment où on respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est souvent dans la façon de dire les choses qui fait passer ou pas le morceau. D'accord. Tant qu'on reste poli, etc., on n'a pas de limite. Ouais, du respect, quoi, minimum. Vous dites que c'est une radio non commerciale, vous ne faites pas de pub ? Non, 0%. Donc on est une radio associative, mais on y reviendra plus tard. Certaines radios associatives ont droit à 20% de leur budget en pub. Nous, à Gemozo, on a décidé de faire 0%. D'accord. Mais vu que vous faites pas de pub, tout ça, du coup c'est une association, mais pour ceux qui travaillent réellement ici, d'où provient cet argent? Donc pour les radios associatives, il y en a en gros 650 en France. Il y a une subvention qui est prévue qui s'appelle le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui nous permet, suivant notre budget, d'avoir plus ou moins de subventions. Mmh. Et plus on travaille bien, plus on est payé. D'accord. Ben, du coup, dans cette radio-là, elle diffuse jusqu'à où environ? En gros, à 20 km aux alentours d'Hermiremont. 20 km, ok. Et elle a été créée il y a combien de temps? Elle a été autorisée en novembre 1981, et elle a été un petit peu de temps avant Radio Pirate. Interdite. Mmh. Ouais, toutes ces lois. Quand vous êtes à l'émission, tout ça, est-ce que vous avez des moyens spéciaux pour rendre un sujet percutant, que les gens l'entendent, tout ça? Enfin, je veux dire, pour que... percutant, quoi. Bah, ça dépend beaucoup du sujet. C'est le sujet qui est percutant. Nous, on reçoit pas mal de personnes. Bon, je sais pas, il y a un exemple qui me vient en ce moment, c'est beaucoup la défense de la maternité de l'hôpital de Hermiremont. Mmh. Ça peut être un sujet percutant. Et si on veut enfoncer le clou, on les fait revenir le comité de défense plus régulièrement. D'accord. Bon. Et combien combien de temps vous mettez pour faire vos diffusions? Ah, je suis embêté là parce que je comprends pas trop la question. Bah, combien de temps vous êtes, vous parlez en direct? Oh bah, il y en a un petit peu tout le temps dans la journée. Ça commence avec Marion à 8h30. Il y a des émissions qui sont enregistrées, il y a des directs, il y a, y a des bénévoles, il y a des employés. Donc, bon, y a, évidemment, entre les émissions, il y a de la musique, mais voilà, quoi. Sans oublier qu'on prend des émissions d'autres radios associatives. Et entre radios associatives, les échanges d'émissions sont gratuits. Est-ce difficile de parler à une radio ? Un petit peu les premières fois, puis après, ça s'oublie vite. Vous parlez d'employés, vous êtes combien ? Alors, en tout, on est quatre. On est quatre. Et puis en bénévole ? Il y a une vingtaine de bénévoles. Oui, quand même. Et ces bénévoles, ils font quoi dans cette radio ? Ils contribuent à quoi ? Donc, il y en a pas mal qui font des émissions. C'est pas une obligation, mais la plupart des bénévoles font des émissions. Et il y en a qui s'occupent de la gestion de la radio. Donc, ils font partie du conseil d'administration. C'est une association. Il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Et il y a des membres du conseil d'administration qui ont des tâches bien précises. Il y en a qui s'occupent de la communication, il y en a qui s'occupent de la technique, etc. D'accord. Est-ce que vous parlez de sport ? Un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu, ouais. Avant, vous parliez de que vous diffusiez de la musique un peu entre toutes les émissions de ça. En général, c'est quoi comme musique ? Enfin, quel style de musique ? Il y a du français, il y a du rock, il y a du jazz, du blues, du reggae. Mais pas forcément les gros vendeurs de disques. Oui. Nous, on passe ce qu'on aime bien. Voilà. Ouais. C'est pas forcément ce qui se vend. Vous mettez des musiques régionaux ? Oui, oui, oui. Oui, on a des artistes du coin, oui, oui. On aime bien les faire venir, d'ailleurs. Les artistes du coin, on aime bien les faire venir. Avant, quand vous parliez... quand je vous ai posé la question, là... Pour faire percuter une info, mais les infos, vous les avez d'où ? Pour que vous soyez bien sûr que ce soit des vraies infos, quoi. Alors, bon, évidemment, il y a Internet. On peut recouper sur Internet certaines choses. On s'en méfie, aussi, parce qu'il y a tout, il y a du bon et du moins bon. Mmh. Alors, en presse écrite, il y a moins de doutes en général. Si on prend des journaux à peu près sérieux, on est quasiment sûr qu'ils racontent pas trop de bêtises. Donc, une fois qu'on a une info quelconque sur Internet, on peut aller vérifier un petit peu, aller chercher un peu la petite bête, voir si c'est vrai ou pas, quoi. Mmh. Quel chanteur du coin vous avez fait venir ici? Comme qui? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, j'ai oublié leur nom. Non, mais enfin, on fait quand même passer pas mal de petits groupes. Je vais pas citer de groupe, mais bon, on en fait passer régulièrement. Vous avez parlé d'association. C'est une association à but lucratif ou non lucratif ? Non lucratif, association 1901. D'accord. Et comment... avant, quand vous parliez des émissions, de ça, il y a... Vous avez combien d'émissions et lesquelles qui passent dans la journée ? Oh ben on a un petit peu de tout. On a des émissions musicales, on a des émissions écologiques, on a des émissions sur le justement tout ce qui est artistes locaux, etc. Ou recevoir d'autres associations, parce que quelque part c'est le monde associatif qui fait bouger la région. Donc on reçoit beaucoup d'associations. Ok. Combien gagnez-vous-t-il d'argent ? Oula. Par mois ? Oh, une misère. Une misère. Non, ça paye pas. Faut pas faire ça pour l'argent. Ou alors dans d'autres radios peut-être, mais pas ici. Est-ce que vous avez des idées que vous défendez grâce à cette radio ? Oui, on est... Bon, dans les années 80, donc il y a bien longtemps pour vous, c'était une radio qui était quand même qui venait d'un syndicat, donc qui était plutôt politisé. Mais maintenant, on est plus dans le social, à défendre les petits contre les gros. Ah oui. Et du coup, grâce à cette radio-là, ben vous faites écouter, enfin, vous faites entendre tous ceux qui ne se font pas entendre, quoi. Oui, c'est absolument ça, oui. Est-ce que vous avez déjà fait venir un président ici ? Vous voudriez faire venir un président ? Ben, président du conseil départemental, des choses comme ça, oui, mais président de quoi ? La République. Ah ben... Pour ça se connaître la radio. Alors, petite anecdote, on a des jeunes handicapés mentaux qui viennent une fois par semaine, et ils ont lancé une invitation au président Macron qui a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas le temps. D'accord. Est-ce que parmi vos employés, vous avez quelqu'un qui joue un peu le rôle du journaliste ? Oui, c'est Lou, mais elle n'est pas là à cette heure-ci, elle vient l'après-midi. Et du coup, en tant que journaliste, c'est ça, elle fait des micro-trottoirs, tout ça, quoi. Ouais, on n'en fait pas de trop, on fait pas mal d'interviews par téléphone, par exemple. Mmh. Vous faites des sondages, tout ça, quoi. Non, on fait pas de sondages. Non. Quelle est votre technique d'interview ? Alors, technique d'interview, en gros, le but du jeu, c'est de mettre l'invité à l'aise. Souvent, les personnes invitées ont un petit coup de stress avant que ça démarre. Une fois que ça a démarré, ça va mieux. Mais avant de démarrer l'émission, ils ont un petit coup de stress, donc il faut les mettre à l'aise, quoi. Et surtout, pas parler du sujet avant l'émission. Okay. Comment faites-vous pour rendre l'info percutante ? Je vous ai demandé. Oui, ça c'est déjà posé comme question. Est-ce que c'est le métier que vous avez toujours rêvé de faire ? Pas du tout, je suis tombé dedans par hasard. D'accord. Comment gagnez-vous votre argent ? On a de l'association. Et par des subventions. Okay. Une petite question personnelle. De base, vous vouliez faire quoi ? Oh bah peu importe, moi je suis arrivé ici parce que je cherchais un boulot, voilà quoi. J'étais au chômage, voilà. Vous avez beaucoup de partenaires ? De partenaires, on travaille avec beaucoup d'assos, la mairie de Saint-Étienne-lès-Mirmont joue franchement le jeu. On est dans la maison familiale, dans la maison des assos. Donc on paye pas de loyer, on paye pas d'électricité, pas de chauffage, donc merci la mairie. C'est pas toutes les mairies qui font ça, loin de là. Mais ça dépend, partenaires, on a des partenariats avec les petites salles de concert du coin, on a des... Oui, ça dépend ce que tu appelles partenaire. Mais vous avez pas de partenaire... Enfin, du coup, vous faites pas de pub, du coup, vous avez pas de grands partenaires, tout ça, quoi. On fait pas de pub commerciale, on a juste droit à ce qu'on nous on appelle les MIG, c'est-à-dire les messages d'intérêt généraux. On fera jamais de la pub pour le prix du kilo de viande dans la grande surface du coin, ça non. Ouais. Mais par contre, si on peut très bien annoncer le don du sang ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous sponsorisez un peu les petits clubs du coin, non ? Ah non, on n'a pas les moyens. Et est-ce que des fois, quand il y a des grands flash infos, par exemple des attentats terroristes, tout ça, vous êtes entre guillemets un peu obligé d'en parler ? Non. Non ? On est obligé à rien du tout. Le seul truc qui serait obligatoire, c'est en cas de... prévision de catastrophe, voilà quoi, c'est tout. Ah, ok. Mais du coup, est-ce que vous en parlez ou pas quand il y a des attentats, des choses dans le genre ou... On préfère rester dans le local. Okay. Ah, okay. Honnêtement, on n'a pas les épaules pour faire aussi bien que les grosses radios nationales ou les gros médias en général nationaux. Donc nous, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on fait du local et puis voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà trompé dans votre discours ? Ah, il y a des chances, oui. oui. Bah oui, de toute façon, non, il n'y a pas de malin. Et, je connais personne qui s'est jamais planté. Ouais, ouais. Si une fois vous faites l'erreur, vous avez vu des informations sur Internet, tout ça, et que vous trompez, vous dites des fausses informations, vous faites comment pour réparer ? On rectifie après. Ouais. on annonce, ben désolé, j'ai dit ça, c'était une bêtise. Après vérification, voilà ce que ça donne. Combien coûte votre installation complète? Oh, c'est dur à chiffrer comme ça. Quelques dizaines de milliers d'euros. Okay. Donc ça coûte un petit peu cher quand même. Oui, il faut ce qu'il faut. Avez-vous déjà présenté d'autres radios que celle-ci? Non. Non, je suis fidèle à Radio Guimazo. Vous avez trouvé où le nom d'ailleurs? C'était l'ancienne. On est à Saint-Étienne-lès-Remiremont depuis 1990, mais dans les années 80, on était à Rue sur Moselle, au chemin du Guémozo. Alors, le Gué, c'est le passage à Gué, et Mozo, c'est un bras de la Moselle. Êtes-vous pour ou contre les gilets jaunes? Oui, c'est l'instinct du moment. Oui, c'est pas mal. Ils se manifestent en ce moment. Oui, oui, bon, on est plutôt pour. On en a reçu mardi, là. D'accord. Ils sont restés. Ils ont mis de l'ambiance dans le studio. Oui. Il y en avait combien qui étaient venus dans le studio? Ils étaient 5. 5. Mais ça a mis une bonne ambiance. On se doutait un peu. Est-ce que vous aimez recevoir des personnes pour faire des nouvelles interviews? Ah oui, bien sûr, on renouvelle tout le temps. Il y a toujours des... On n'a jamais fini, il y a toujours des choses qui se créent, c'est souvent grâce aux associations. Il y a toujours des choses qui se créent, il se passe toujours quelque chose, donc on reçoit rarement les mêmes personnes, ça se renouvelle pas mal. Est-ce que vous aimez apprendre votre métier au jeu? Oui, ça fait partie de mon boulot, je transmets mes connaissances. D'accord. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. On vous remercie de cette interview. On vous remercie. Eh ben, merci à vous, merci d'être venu. Merci de nous avoir accepté. Oui, aussi. Bon, bah, allez, je vous souhaite bonne route, messieurs. Merci, bonne journée. Au revoir. Thank you. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, moi c'est Marcus, et vous? Moi, c'est Marco. Bon, bah voilà, c'est bien. Bah, moi, c'est Jules. Moi, c'est Dominique. Ok. Donc, vous êtes le deuxième groupe de la maison familiale, en première bac pro, c'est ça? C'est ça, oui. Première bac pro forêt. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu poser vos questions. Oui. Bah, vas-y, commence par quoi. Comment gère-t-on une radio? Alors, c'est une association qui gère la radio avec des employés dont je fais partie. Mm-hmm. D'accord. Okay. Quel est votre taux d'audience? Taux d'audience, je peux pas le donner. Moi, tout ce que je peux donner, c'est les auditeurs potentiels. Ah, mais dites-nous. Donc, 86 000. Mais quand même. Est-ce que c'est compliqué de parler au micro? Au début, oui, mais on oublie vite. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Quel est votre rôle d'animateur? Ben, moi, je fais plus trop d'animation en réalité. Je m'occupe plus du côté technique, le site internet, Facebook et machin. Quelles sont les chroniques qui reviennent souvent? On a des sujets qui reviennent souvent sur l'écologie, le social. Ah oui, d'accord. Comment vous gagnez votre argent? Alors, il y a une subvention qui existe pour les 650 radios associatives de France, qui s'appelle le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. D'accord. Où vous cherchez vos infos? Au départ sur internet ou sur la presse écrite, mais on essaye de recouper. D'accord. Est-ce que vous avez le droit de prendre un parti politique? On pourrait, mais c'est pas le cas. Ok. Ça veut dire que vous pourriez défendre les manifestations qui se passent? Bien sûr. Ah oui. D'accord. Donc, par exemple, les Gilets jaunes sont venus cette semaine sur Radio Grimoso. Ah d'accord, donc ils sont venus passer une petite audience? Ou alors vous avez diffusé pour eux où était le blocage et puis vous les boostiez un peu? Non, ils sont venus parler des problèmes et d'exprimer leur sentiments. Ouais, du problème Emmanuel Macron. Oui, qui pose plusieurs problèmes. Oui. Et comment vous gagnez de l'argent? Donc par rapport à cette fameuse subvention FSER. D'accord. Vous pouvez nous dire, c'est quoi un flash? Un flash info, c'est normalement quelque chose d'assez rapide où on se contente de lire les titres. D'accord. Où on ne rentre pas dans les détails. C'est pas forcément ce qu'on fait le plus. Déjà, on ne fait pas énormément d'infos. Et en plus, nous, on aime bien prendre notre temps. C'est-à-dire, si on invite quelqu'un à parler, on va lui laisser une heure et non pas deux minutes comme sur certaines radios. Nous, on va l'inviter pour une heure et au moins il va parler de son projet ou de ce qu'il fait sérieusement. Ok. Est-ce que vous prenez de temps en temps des bénévoles pour la radio? Bien sûr, oui. Ce qui n'est pas le... Enfin, tu fais bien de poser la question parce que ce n'est pas le cas sur toutes les radios, mais nous, oui. D'accord. Et vous prenez des stagiaires? De temps en temps, oui. Des apprentis aussi ou un peu non, moins? Non, pas des apprentis, on prend des stagiaires. Ok. Quelles sont les principales idées de la radio? Ah, va falloir que tu précises ta question, là. Alors, au niveau musique, est-ce que vous diffusez les années 80 ou alors aujourd'hui? On n'est pas très, aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes plutôt les anciennetés, quoi. Michael Jackson et puis les autres trucs, quoi. Non, parce que Michael Jackson... Non, pas trop ce qui se vend énormément. On passe du français, du rock, du blues, du jazz, du reggae... Mais pas forcément des gros comme Michael Jackson. D'accord. Et comment vous faites pour faire une idée percutante? Quand il y a un gros truc qui se passe, genre les attentats, vous coupez tout et puis vous mettez direct en lien? Ou alors vous faites vous découlez? Non, parce que je dirais les grosses radios ou d'autres médias font ça nettement mieux que nous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est du local. On reste dans le local. On fait ce qu'on sait faire. Les grosses choses comme ça, on n'est pas assez puissant pour s'occuper de ça. Il faut avoir un envoyé spécial à l'endroit de l'attentat. On n'a pas les moyens. Quoi. D'accord. Donc vous êtes plus une radio un peu posée, pas trop d'infos. Oui. Vous êtes plus à mettre de la musique, des choses comme ça. Musique, mais avec des émissions où on prend le temps. Il y a quand même, bon d'accord, il y a de la musique, mais il y a des émissions où on prend le temps et on parle pas forcément de ce qui est instantané. D'accord. Ok. Vous faites pas passer de pub, mais vous faites passer des chroniques ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Et quoi comme chronique? Oh bah des chroniques. Par exemple, il y a des bénévoles qui en font une par jour, là, du lundi au vendredi. Bon. Ils parlent de ce qui est des sujets qui les intéressent. Ils peuvent parler de tous les sujets. Oui. Okay. Est-ce que vous avez des heures fixes pour passer certaines infos ou... Bon, y a, l'info, c'est plus le matin en général. Vers quelle heure? 8h30. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des techniques d'interview? En réalité, on n'est pas très professionnel, mais le but du jeu pour nous, c'est que l'invité soit à l'aise. D'accord. On n'est pas là pour planter l'invité, nous on est là pour qu'il arrive à s'exprimer, certains sont intimidés par les micros, et donc on essaye de les mettre à l'aise, et puis en général, au bout de 5 minutes, ça se passe très bien. Ça va très bien, ok. D'accord. Le petit stress du début, il est vite oublié. Puis vu qu'on est dans le bain, ça va tout seul. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des... comment dire ça? Des jeunes enfants qui sont venus, où ils parlaient de leur maladie, ou ils diffusaient d'autres choses comme ça, des gens qui pouvaient aider ou pas? Oui, on peut avoir ça. On a par exemple, on travaille avec des handicapés mentaux qui viennent avec leur éducatrice. Oui, on a. D'ailleurs, oui, à ce niveau-là, on est une des rares radios à faire ça. Oui, donc vous faites parler tout le monde. Vous n'avez pas que des gens privilégiés, même les enfants qui sont handicapés qui peuvent venir. Oui, quoi. Oui, oui. Donc ça ouvrira tout le monde. Quoi. C'est le but de cette radio. Ouais. Mais du coup, votre argent, vous le gagnez que par l'association avec le don qu'il donne, ou alors la radio met quelque chose derrière? Ben les subventions, on marche aux subventions. Ah, donc votre argent, c'est que les subventions? Oui. Et ces subventions, elles sont attribuées qu'aux petites radios? C'est ça, aux radios associatives, donc non commerciales. Ouais, donc pas Énergie et puis les grandes radios là, quoi. Non. Parce qu'eux, ils font que du commercial en passant des pubs. Voilà. Et en vendant des disques, en te les foutant 3 fois par heure. Oui, donc c'est pas votre cas. Non. Est-ce que vous avez des gens spéciaux qui viennent, par exemple, je sais pas, pour faire des blagues, ou des magnétiseurs, ou qui font l'horoscope, ou des gens comme ça? Non, on n'a pas. Non. D'accord. Ça pourrait s'imaginer, mais bon. Non. Ok. Après, au niveau, vous n'avez pas le droit de défendre, enfin, vous avez le droit de défendre un parti politique, mais est-ce que vous pouvez avoir des amendes par derrière si vous faites des choses qui sont, on va dire, illégaux? Donner un avis. Ah oui. Oui, si on fait quelque chose d'illégal, forcément, on se fera rattraper. Mais tu parlais de politique. On peut avoir des idées politiques, mais par exemple, pendant les élections, je dirais les élections régionales, le CSA nous oblige à recevoir tous les partis. Enfin, au moins à les inviter. Inviter tous les partis. Après, ils viennent s'ils veulent. D'accord. On a un devoir d'équité. Donc, on est obligé d'inviter tout le monde. Et après, ceux qui veulent venir, ils viennent. Ouais. On va faire un petit au revoir, je crois qu'il est temps, le tour de la question a été fait. Ouais. On va dire ça comme ça. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.